Et tu as même chez des gens, certains qui ont des afkars similaires. Des gens qui ont des idées à peu près similaires. Tu as l'exemple, par exemple, de celui que l'on connaît, qui est à Demej, qui s'appelle Abdelhaï, le Maghrebi. À titre d'exemple. Qui est à Demej, sorti de Demej, mais ce qu'il est actuellement en France, ce qu'on voit de lui là, le ménage de Demej, Salafi, il n'en a pas profité. D'ailleurs, il était critiqué par Shayahia, même après qu'il soit parti, ça se marlouf. Demej était connu, tristement célèbre, comme on dit, pour différents mauvais comportements qu'il a eu, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, de ce que j'ai pu lire de lui, par exemple, lorsqu'il y a eu les attentats au Bataclan, tout ça là, qu'est-ce qui permet de dire cet homme-là? Il dit, parmi les tweets que j'ai pu lire de lui, parmi les solutions qu'on peut exposer pour éviter les problèmes qu'il y a eu par rapport à ces attentats pour les frères, il dit, ne parle même pas de Hijra. Pourquoi? Parce que moi ici, en France, dans le sens de ces paroles-là, c'est qu'on fait la garde à vue, sorti peu de temps après. Mais en pays d'islam, ils ont peut-être pu apprendre pour des années pour ses enfants. C'est-à-dire que pour lui, ça ressemble un peu aux paroles de ce Mohamed-là. C'est-à-dire que sa liberté physique prévaut sur sa foi. Qu'il préfère être en liberté dans les rues des mécréants de Paris qu'être en prison chez les musulmans injustement. Car si jamais tu subis une injustice, Allah il va te sauver, mon frère. Où que tu sois. Tu es lésé, Allah il va te sauver. Donc comparons les paroles de Abdel Hay avec celles de Youssef alayhi salam. Lorsque ces femmes ont essayé de le tenter. Pourquoi? Pour zina. Lors d'une occasion. Mazakala Youssef alayhi salam. Rabbi esijnu ahabbu ilayya mima yadunani ilayhi. وَإِنْ لَا تُصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ نِجَاهِلِينَ. Vous voyez, وَأَكُنْ نِجَاهِلِينَ. Donc il a dit quoi, Youssouf? Il a dit, ô Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi m'appelle. Elle appelait à quoi? À faire zina. Que si jamais tu ne détournes pas de moi leur complot, je risque de pencher vers elle du nombre des ignorants. Youssouf, alayhi salam, craignait pour lui tomber dans le farsha, pour sa personne, un prophète, messager. Et toi, tu as moins peur du kufr que de la fornication dont Youssouf a eu peur. Combien de ulama ont été mis en prison justement? Cela leur a rajouté de la izza, comme Cheikh Al-Islam Taymiyyah, Rahimahullah Ta'ala. Mohamed a été torturé pour dire le haq. Est-ce qu'il a été abandonné par la suite? Sûrement pas. Tu vas en prison un temps, c'est sûr que c'est une épreuve, t'en sors la tête haute. Au pire, tu meurs en prison, tu meurs mu'azzaz. À moi en France, tu meurs mazloul. Même en liberté, tu m'as. Regarde, la conception de ces gens-là, c'est quoi? C'est-à-dire que Youssouf alayhi salam a demandé à Allah de sauver de ces femmes-là qui étaient allées en prison. Et que ces femmes-là, elles ne sont pas toutes salées avec lui. Elles sont venues à une occasion. Hormis la femme de l'Aziz chez qui il était tous les jours. Ces gens-là, comme l'Abdel Hay, qui vivent en France chez les Koufars, vous voyez, chez les Koufars, dont Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? La yazalouni kawatinakum hafa yaruddukum an dinikum nistata'ahu. Amen. يرتدي منكم عن ديني فيموت وهو كافر أولئك عبدت عملهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار وفي آخرهم. Que lui vit au milieu des gens de Allah, il dit quoi d'eux? Qui ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent sortir de votre religion s'ils le peuvent. Sans relâche. Matin, midi et soir. Plein de stratagèmes pour te faire pencher vers la mécréance. Et au pire, si tu ne deviens pas mécréant, on va te rendre égaré. Ou très faible dans ta religion. Tu ne crains pas ça pour toi.